PKGU, Radio Pokajou International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. Bonjour, soyez les bienvenus à la Radio Pokajou International, la seule émission à être diffusée grâce à 300 écureuils qui courent sans cesse au palais royal de notre petite île. Je suis Melissa Suarez El Real et aujourd'hui, on va aborder le thème des volcans pokajoutiens. Nous allons nous intéresser aux deux volcans les plus grands de l'île. Comme vous le savez, l'île est d'origine volcanique. Au tout début, il s'agissait juste d'un petit atoll. Mais au cours des siècles, les éruptions du Ripitapa et Carapu ont donné naissance à des nouvelles surfaces terrestres. Du côté est, le Ripitapa et du côté ouest, le Carapu. Selon les géologues, il s'agit des deux îles séparées qui se sont refondues il y a 4000 ans. Ces violentes éruptions ont laissé place à des projections plus modérées et la lave s'est refroidie. À la suite de cela, une plaine fertile est née, qui est connu aujourd'hui sous le nom de Pokajou. Même si de nos jours les éruptions sont moins fréquentes, elles se produisent tous les 2 ou 3 mois. Et bien sûr, les Pokajoutiens ont expliqué l'existence de ces deux volcans grâce à une histoire transmise oralement. C'est une histoire vraiment très belle et si vous voulez la connaître, restez avec nous. On va vous laisser avec Fire, une chanson dont l'auteur est Angel Olsen. It all just falls apart. But when I look into your eyes, it pieces up my heart. If I only had an answer to put it all to bed, I wish sometimes I could take back every word. When it's all here. when it's all new and you're not hungover. Fierce and light and young. Fierce and light and young. When you don't know that you're wrong, or just how wrong you are. My feet are always heavy as I inch toward the door. But I guess we're always leaving, even when we look the same. And it eases me somehow to know that even this will change. If you've still got some light in you, then go. D'après la légende pocahontienne, il y avait deux jumeaux, un garçon et une fille, qui, au moment de leur naissance, se tenaient par la main. Évidemment, en grandissant, ils ont continué à s'apprécier. Ils jouaient ensemble tout le temps, mais surtout partageaient leur passion pour la mer, qu'ils aimaient contempler. Un jour, alors qu'ils jouaient au bord de la mer, un aigle énorme est apparu dans le ciel. Et les deux frères, apeurés, ont couru pour se réfugier dans une cave. Malheureusement, Ripitapa, la fille, a été enlevée par l'aigle, qui voulait la dévorer tout de suite. Mais son frère jumeau, Carapu, avec son lance-pierre, a frappé l'aigle à la tête en plein vol, et le rapace a lâché Ripitapa au milieu de l'océan. Ainsi, les deux jumeaux se sont retrouvés séparés par des centaines de kilomètres et par l'immensité de la mer. Carapu, courageux, s'est lancé à la mer sur son canoë pour trouver sa sœur. Malheureusement, il n'a pas réussi et les jumeaux sont restés en mer, éloignés l'un de l'autre pour toujours. Selon la légende, ils ont tellement pleuré et ils étaient tellement en colère que des larmes de sang rouge et chaude ont commencé à sortir de leurs yeux Ils ont tant pleuré que leurs larmes solidifiées les ont finalement ensevelies, en créant un chemin entre les deux. C'est pour cela que l'époque a jeté en appel ces volcans, les volcans jumeaux. On va faire une petite pause musicale pour entendre de la musique explosive. Voici Moonhooch, ce morceau s'appelle Number 9. De retour à la radio Pocajou internationale. Le Pocajou, peut-être vous ne le savez pas, est l'un des destins préférés des géologues parce que chaque visiteur a à peu près à 70% de possibilité de voir un volcan actif, soit une éruption de cendres, soit une éruption de lave. En fait, cette semaine, le ministère du Tourisme a inauguré ce qu'on a nommé la passerelle volcanique. Une passerelle touristique qui relie justement les localités de Ripitapa et Carapu. Pour expliquer cette passerelle, on pourrait dire que c'est une espèce de Disney World, mais consacrée entièrement au tourisme géologique et à l'univers des volcans, bien sûr. Tout au long de cette passerelle, vous allez trouver des simulateurs d'explosions, des tremblements de terre, et vous pourrez voir de la vraie lave bouillante. D'ailleurs, vous pourrez même goûter les pains cuits aux vapeurs de lave et vous régaler avec la grillade de lapin à la lave, spécialité régionale par excellence. Naturellement, il s'agit d'un parc très très spécial et on est sûr que cette initiative du ministère sera un énorme succès. Si vous voulez des renseignements, on vous invite à visiter votre ambassade ou consulat le plus proche et demander des brochures sur cette nouvelle passerelle touristique. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère que vous nous rejoindrez dans la prochaine émission de la Radio Pocajou internationale. Je voudrais remercier aussi Marie-Blanche Lacot pour son aide avec la traduction pour cette version française. On va vous dire au revoir justement avec Adios, une chanson de Natalia Clavier. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine !